À vous, Frédéric Sigrist. Sachez que vous nous avez manqué la semaine dernière. Alors, juste avant de nous livrer votre chronique, est-ce que vous allez mieux? Oui, Mathilde, il s'est passé quelque chose de très intéressant durant cette période d'isolement forcé. J'ai réalisé un truc. La nature me déteste. Ça fait 44 ans que la planète cherche à se débarrasser de moi et je ne m'en rendais pas compte. Enfant, j'étais asthmatique, je suis myope comme une taupe, sans lunettes, je ne vois pas à 50 cm devant moi. Vacciné, j'arrive à choper le Covid qui dégénère en pneumopathie. Franchement, je crois qu'il faut se rendre à l'évidence, la planète veut me faire disparaître. Moi, je vous préviens, le prochain écolo qui tente de me faire signer une pétition, il faut sauver la planète, je le tape. Elle me veut pas du bien à moi, la planète. Le jour où vous me voyez faire une marche pour le climat, c'est un syndrome de Stockholm. Donc j'ai profité de cet arrêt de travail pour regarder des séries, des films et jouer aux jeux vidéo. Oui, alors sans vouloir vous manquer de respect, vous faites ça aussi quand vous allez bien. Hein. C'est vrai. Mais là, je poussais des râles d'agonie après chaque épisode. C'est complètement différent. Et cette fois-ci, j'ai donc pu regarder la 4e saison d'une de mes séries préférées sur Netflix, Cobra Kai. Ah, je suis sûr que les auditeurs qui aiment les bonnes choses auront reconnu Burning Heart du groupe Survivor sur la bande originale culte de Rocky IV. Morceau que l'on retrouve dans la 4e saison de Cobra Kai et qui me permet de vous expliquer justement ce qu'est cette série. Vous entendez cette chanson, Mathilde? Pur produit des années 80. C'est kitsch, mais ça te file irrésistiblement la patate. Mais oui. Et ben la série Cobra Kai, c'est pareil, de l'énergie en barre. Une série qui ne prétend pas être autre chose que ce qu'elle est, un pur divertissement fait avec le cœur et l'envie d'être fun. Vous savez, le fun, ce sentiment qui est désormais passible de condamnation dans 272 pays du globe. Cobra Kai, c'est la suite du film Karate Kid, sorti en 1984 et réalisé par John J. Avildsen, le réalisateur du premier Rocky. Ça racontait l'histoire de Daniel LaRusso, un ado de 16 ans, qui débarque en Californie et qui va se faire harceler par Johnny Lawrence, une grande brute qui pratique le karaté et qui n'aime pas que LaRusso ait sympathisé avec son ex-copine. Heureusement, Daniel va faire la connaissance de Maître Miyagi, un jardinier japonais qui veut lui apprendre le karaté en lui faisant nettoyer des voitures et repeindre des clôtures. Alors, s'il y en a parmi vous qui pensent être devenus une arme fatale parce qu'ils ont travaillé 6 mois à l'éléphant bleu, sachez-le, ça marche que dans Karate Kid. Hein, putain, tu deviens jamais fort en nettoyant des bagnoles. Et Cobra Kai, c'est la suite avec le même casting mais 34 ans plus tard. Mais vous ne disiez pas en avoir assez de la nostalgie dans les films et les séries américaines ? Soyez gentil, Mathilde, je suis encore en convalescence. Non, cette fois-ci, c'est complètement différent. Cobra Kai ne dit pas « c'était mieux avant », mais « c'était différent avant ». L'intelligence de cette série, c'est de montrer que les héros d'hier peuvent devenir les bourreaux d'aujourd'hui. Johnny Lawrence, le méchant de Karate Kid, interprété par William Zabka, la vraie révélation de cette série, est devenu un loser magnifique, psychologiquement coincé dans ses années 80, justement. Il galère professionnellement, il picole en écoutant du vieux hard rock tout en repensant à sa gloire de lycéen passé. Johnny Lawrence, c'est un gars qui trouve qu'un tatouage d'aigle dans le dos ou un loup sur la carrosserie d'une bagnole, c'est classe. Pour lui, un homme, ça boit de la bière et ça mange de la viande. Johnny Lawrence, c'est Daniel Morin en plus souple. Il est complètement en décalage avec les nouveaux codes du 21e siècle. Pour lui, dans Karate Kid, c'était lui le héros. Et Daniel LaRusso, lui joué par Ralph Macchio, a fait fortune en vendant des voitures et montre que dans une société libérale et capitaliste, on peut être le bourreau de quelqu'un sans même avoir à mettre des coups de pied. Un mépris de classe, un statut social plus élevé, ça peut suffire à humilier quelqu'un. Et l'élève de Monsieur Miyagi est devenu une belle tête à claque. Et Cobra Kai, c'est une série sur la masculinité toxique. Non seulement ses anciens rivaux ne prennent pas le temps de mettre leur ego de mâle alpha de côté pour se parler, la série elle durait 2 minutes, point. Non seulement ils le font pas, mais ils décident de transmettre leur rivalité aux générations futures. Et Cobra Kai évoque l'histoire de plusieurs Amériques qui peinent à se parler. Une Amérique encore hantée par la guerre du Vietnam. Ce conflit où de vieux hommes ont envoyé des jeunes se faire massacrer dans une guerre dont ils ne maîtrisaient pas les enjeux. Et au fond, Cobra Kai, c'est ça. Des vieux qui continuent d'envoyer des jeunes se faire la guerre parce qu'un homme harcelé, ça ne parle pas, ça ne pleure pas, ça préfère mettre des coups de tatane en faisant du karaté.